Déjà, des bougies brûlaient dans le salon, tout tendu de perse, avec des girandoles en cristal contre les murs. La mère Oudry s'endormait doucement dans un fauteuil, et les autres écoutaient Monsieur le Faucheur dissertant sur les gloires du barreau. Madame Arnoux était seule près de la croisée. Frédéric l'aborda. Ils causèrent de ce que l'on disait. Elle admirait les orateurs. Lui, il préférait la gloire des écrivains. Mais on devait sentir, reprit-elle, une plus forte jouissance à remuer les foules directement, soi-même, à voir que l'on fait passer dans leur âme tous les sentiments de la sienne. Ces triomphes ne tentaient guère Frédéric, qui n'avait point d'ambition. Ah, pourquoi, dit-elle, il faut en avoir un peu. Ils étaient l'un près de l'autre, debout, dans l'embrasure de la croisée. La nuit, devant eux, s'étendait comme un immense voile sombre piqué d'argent. C'était la première fois qu'il ne parlait pas de choses insignifiantes. Il vint même à savoir ses antipathies et ses goûts. Certains parfums lui faisaient mal, les livres d'histoire l'intéressaient, elle croyait aux songes. Il entama le chapitre des aventures sentimentales. Elle plaignait les désastres de la passion, mais a été révoltée par les turpitudes hypocrites. Et cette droiture d'esprit se rapportait si bien à la beauté régulière de son visage qu'elle semblait en dépendre. Elle souriait quelquefois, arrêtant sur lui ses yeux une minute. Alors, il sentait ses regards pénétrer son âme comme ces grands rayons de soleil qui descendent jusqu'au fond de l'eau. Il l'aimait sans arrière-pensée, sans espoir de retour, absolument. Et, dans ses muets transports, pareils à des élans de reconnaissance, il aurait voulu couvrir son front d'une pluie de baisers. Cependant, un souffle intérieur l'enlevait comme hors de lui. C'était une envie de se sacrifier, un besoin de dévouement immédiat, et d'autant plus fort qu'il ne pouvait l'assouvir.